Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Eva Ionesco, ou l'itinéraire d'une enfance gâchée. C'est l'histoire d'une fillette de 4 ans, qu'on oblige à prendre des poses obscènes devant l'appareil photo de sa mère, puis d'une enfant de 9 ans qui s'enfuit de chez elle pour aller voir les lumières de la foire du trône, d'une tête brûlée placée à la DAS à 11 ans, d'une dancing king, reine de la nuit, une femme sous influence. Eva Ionesco, c'est tout ça. Une vie à part, frappée du sceau des mythologies les plus scintillantes, mais aussi les plus troubles de l'époque. Tout commence par un rapt. Celui de son image, volée par sa mère, la photographe Irina Ionesco. Au mi-temps des années 70, entre ses 4 et ses 12 ans, Eva prend la pose devant l'objectif maternel, fardé, déguisé, puis peu à peu transformé en objet érotique. L'ambiance est sombre, lascive, salace. Pourtant, la fillette fait la une de dizaines de magazines et des plus respectables. Sans vergogne ni tabou. On se rappelle alors une époque où les frontières de la morale et de l'enfance étaient, disons, floues. Notre invité aujourd'hui, le sociologue Michel Fize, ex-chercheur au CNRS, spécialiste de l'enfance et de l'adolescence, auteur de nombreux ouvrages. Il a publié notamment en 2018 « J'aide mon adolescent à grandir » aux éditions Erol. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Corinne Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mai 2011, sur la Croisette. Cette année-là, la semaine de la critique fête ses 50 ans. Cette section parallèle du Festival de Cannes, c'est un demi-siècle d'histoire. Toute bobine dehors, célébrant premier ou deuxième film, et autant d'audaces cinématographiques. Ici, les petits talents deviendront grands. De Bertolucci à Léos Carax, de Ken Loach à Bertrand Blier. Ce jubilé est donc de bon augure pour les jeunes cinéastes qui se pressent devant le Miramar et ses fauteuils bleus. Mai 2011, le coup d'envoi est lancé par une séance spéciale, sorte de mise en bouche de la compétition. Et déjà, un arrière-goût de scandale. On le sait, le Festival de Cannes aime le scandale, c'est même une seconde nature. Le film d'ouverture présenté ce soir s'appelle « My Little Princess », premier long-métrage d'Eva Ionesco, rien à voir avec le dramaturge Eugène, père du théâtre de l'absurde et de la cantatrice chauve. Mais en revanche, tout à voir avec la photographe Irina Ionesco, sa mère, devenue au début des années 70 la papesse de la photo érotico-gothique. Il n'est d'ailleurs ici question que d'elle, ou presque. Dans ce premier film largement autobiographique, la réalisatrice Eva Ionesco, 46 ans, explore son enfance escamotée aux côtés de sa mère, Irina, absente et obsédante, artiste fantasque et vénéneuse. L'histoire promet d'être sulfureuse, d'autant que c'est la grande Isabelle Huppert qui interprète la photographe, ici en blonde peroxydée et sapée comme une star hollywoodienne des années 30. Maman ? Bonjour mes amours ! C'est toi maman ? Je t'ai toujours dit que je reviendrai. La plus jolie des mamans, c'est toi. Oh merci. Oh. Mais tu parles déjà ? Je sors. Tu sors pendant la nuit comme ça? Ah oui, la nuit, exclusivement. J'étais juste venue faire un baiser d'amour. Mais non, maman, non, non, non. La petite Marie, je serais bien restée avec ça au-dessus de ma tête, au-dessus de mes forces. Mon amour, maman reviendra, ma chérie. Au début du film, tout va à peu près bien. La petite princesse, incarnée par la jeune Anna Maria Bartolomei, s'appelle Violetta. Elle a 10 ans, elle est élevée par son arrière-grand-mère, une babouchka roumaine dévote jusqu'au bout des ongles. Leur quotidien, fait de chapelets et de discours radiophoniques de Ceausescu, est parfois troublé par les apparitions de Anna, la mère. Parée de voix à la paillette et de satin précieux, elle passe dans l'appartement en coup de vent, embrasse sa fille, engueule sa grand-mère et repart aussi sec vivre sa vie. Puis le film bascule lorsqu'elle décide de s'occuper à nouveau à sa fille un appareil photo en bandoulière. Violetta est enfin autorisée à pénétrer dans l'alcôve de sa mère, un appartement drapé de noir situé dans le même immeuble, quelques étages plus haut. Au milieu des fanfreluches et des crânes fendus, la petite fille prend la pose, d'abord habillée comme une poupée, puis de plus en plus dénudée. Violetta, vide d'amour maternel, accepte. Alors, Anna, sa mère, charge son appareil comme une arme qu'on charge. Le regard plus langoureux, plus triste. Très triste. Oh oui, très triste. Ouvre un tout petit peu plus les cuisses. C'est très joli comme ça. Ouvre plus. Un petit peu plus les jambes. Enlève ta main. Enlève ta main. Mais laisse ouvert, c'est beau. Je savais pas que t'étais inhibée. Mais je veux pas tout nu, j'ai pas assez de poils. On verra que je suis petite. Mais c'est ça qui est somptueux, c'est proéminent. On dirait une fleur vénéneuse. C'est ça qui est beau. Montre. Montre. Je savais pas que t'étais inhibée comme ça. Ah. Sous les yeux des spectateurs, Violetta se mue en Lolita, malgré elle. Corps d'enfant grimé en femme fatale, toujours à la limite du voyeurisme pédophile. Ce serait insupportable si la réalisatrice de My Little Princess n'instillait pas ici et là un esprit de drôlerie, une féerie propre au conte. Hors du temps, hors des normes, Anna, la mère blonde aux origines roumaines, apparaît à la nuit tombée tel un vampire, prenant successivement les traits de la marâtre, de la fée ou de la sorcière. Et peu à peu, la petite princesse perd son innocence, jusqu'à l'inévitable rébellion. My Little Princess est un conte d'une infinie cruauté. Mais c'est aussi, très certainement, un exutoire pour la réalisatrice Eva Ionesco, qui peut enfin donner sa version de l'histoire, répondre à ses images par d'autres images. Car ces clichés érotiques existent et ils sont aujourd'hui au cœur d'une âpre bataille judiciaire entre mère et fille. Il y a des films qu'on est obligé de faire pour que l'histoire aboutisse, dit Eva Ionesco. Celle de My Little Princess aura mis 10 ans. Une genèse qu'elle explique le 17 mai 2011 sur France Culture, au lendemain de la projection cannoise. Je me suis inspirée effectivement de ma vie. Cette histoire est née assez curieusement d'ailleurs, c'est née il y a 10 ans. Je voulais récupérer mon droit à l'image, je voulais récupérer mon image en fait. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à dire, voilà maman, rends-moi mon image, en tout cas des photos érotiques. Elle n'a pas voulu, donc j'ai intenté un procès. Et au cours de ce procès, pour étayer le procès, j'ai fait des recherches, diverses recherches, voilà, dans des journaux et dans des choses. Et il y avait plein de photos que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vues, parce qu'elle ne me montrait jamais les choses. Elle les a toujours cachées, en fait. Et donc, je suis tombée sur des photos, effectivement, où j'étais en princesse, mais des photos aussi très dénudées, où j'avais 4 ans, et des photos assez érotiques, voilà. Et j'ai été très troublée de voir que plein de photos ont été prises de façon, dans un état d'inconscience. Et donc, je me suis dit, bon, bah, j'ai perdu mon image, quoi. Et ma mère ne voulait pas me la rendre. Donc, j'ai commencé à écrire ce film, qui était une sorte de, on va dire, de prise de parole, où je raconte effectivement l'histoire d'une petite fille à qui on vole son image et son image enfance. Et son enfance. Le 26 juin 2011, un mois après sa présentation à Cannes, My Little Princess sort sur les écrans français, auréolé d'un article élogieux que Charles Tesson, nouveau patron de la semaine La Critique, résume ainsi. Le film a su éviter de devenir le proxénète de son sujet. Peut-être parce que la réalisatrice a compris très vite, dès l'écriture du scénario, qu'il lui faudrait édulcorer sa propre histoire. Sans haine, sans pitié. Et puis parfois la vie, c'est comme au cinéma. Et parfois c'est pire. Celle d'Eva Ionesco et de celle-là. Et c'est finalement par les mots qu'elle ira près du réel. 6 ans plus tard, en 2017, elle publie en effet chez Grasset « Innocence ». Un récit autobiographique, toujours pour tenter de reconstruire ce qui a été détruit. Une enfance en 1000 morceaux. Je ne me souviens pas grand-chose de ma toute petite enfance, sinon que j'habitais avec mes parents, en face du parc Monceau. Mon père travaillait comme représentant chez IBM, et ma mère, Irène, tenait un restaurant iranien près de la place de la Madeleine. Mon arrière-grand-mère, dite Mamie, s'occupait de moi, comme elle l'a fait jusqu'à sa mort. Peu après mes 3 ans, nous avons déménagé sans mon père pour retourner boulevard Soult dans un de ces immeubles des années 30, en briques rouges et beige, typique de la petite ceinture de Paris. Eva Ionesco ouvre son roman en 1967. Elle a 2 ans et vit auprès de son arrière-grand-mère roumaine, qui a aussi élevé sa mère, Irina. À vrai dire, la généalogie de cette famille ressemble à celle des vieux mythes païens. Il semble même que les femmes ont à peine besoin des hommes pour concevoir, tant ils sont absents. En Roumanie, au début du siècle, l'arrière-grand-mère a eu 2 enfants, Marguerite, la grand-mère d'Eva, et un garçon, mort à l'âge de 2 ans. Le père abandonne le foyer, alors elle se remarie avec un jeune violiste qui adopte Marguerite à l'âge de 15 ans. Un an plus tard, la jeune fille tombe enceinte. De lui, oui, de cet inceste naîtra Irène Ionesco, dite Irina, la mère d'Eva. La famille vole en éclats. Marguerite s'envole pour la Chine, abandonnant sa fille Irina, qui est élevée par sa grand-mère, et donc l'arrière-grand-mère d'Eva. Vous me suivez, j'espère. Bref. Après des années passées sur les rives de la mer Noire, l'enfant et l'aïeul s'installent dans le 12e arrondissement de Paris. Comme toute sa famille roumaine, Irina Ionesco devient très jeune, circassienne, tour à tour contorsionniste, charmeuse de serpents et trapéziste sans filet. Un jour d'ailleurs, dans un cabaret de Damas, un danseur loupe son porté. Irina passe 1 an dans le plâtre. De retour à Paris, elle écume les cabarets de Pigalle et trouve un protecteur qui lui confie la gestion d'un restaurant iranien, la Rose d'Ispahan, place de la Madeleine. Puis elle rencontre Nicolas, immigré hongrois, ancien de la Waffen-SS, déjà marié en France. Quelques mois plus tard, naît Eva Ionesco, enfant non reconnu, mais choyé par son père. Elle a 3 ans, lorsque ses parents se séparent. Irina interdit désormais à Nicolas de voir sa fille, tout en refusant elle-même de s'en occuper. Alors, à son tour, Eva est confiée à son arrière-grand-mère, qui habite la chambre de bonne au-dessus de l'appartement d'Irina, Paris 12e, entre la foire du trône et le cimetière de Saint-Mandé. La petite Eva, elle, attend tous les jours que son père vienne la sauver. 40 ans plus tard, elle attend encore. Son premier roman, titré « Innocence », est entièrement dédié à sa mémoire, à son absence. Je ne sais plus à quel moment j'ai commencé à l'attendre. Il me semble l'avoir toujours attendu. À l'époque, je posais beaucoup de questions sur lui. Sa disparition m'inquiétait. Exaspérée, Irène a fini par me faire cette réponse. « Arrête de me harceler. Écoute-moi bien, ma petite fille. Ton père est en Allemagne. C'est un espion très dangereux, un sale espion. Tu ne dois pas le chercher, ni même essayer de rentrer en contact avec lui, sinon il va t'arriver des malheurs. Les enfants d'espions, on les pourchasse et on les tue. C'est ça que tu veux ?» Eva Ionesco vit donc entre 2 femmes, son arrière-grand-mère, pratiquante orthodoxe, et sa mère, pratiquante artistique. Devenue peintre, Irina se fait offrir par son nouvel amant un appareil photo, un Nikon F, qu'elle ne quitte plus, son 3e œil, dit-elle. Elle transforme alors son appartement en labyrinthe mystique, temple baroque agrandi par 1000 tentures et miroirs. Au milieu des oiseaux empaillés, des colliers exotiques, des plumes et des dentelles, Irina photographie des jeunes femmes en noir et blanc, redevenues le temps d'une séance, les héroïnes d'un conte décadent. À partir de 1969, la favorite de ce grand sabbat s'appelle Eva, sa fille, aux boucles blondes, alors tout juste âgée de 4 ans. Dans le documentaire « Irina Ionesco, nocturne porte dorée », réalisé par Delphine Camolli, la photographe revient sur le début de cette collaboration. Je crois que j'ai commencé à faire Eva, et elle devait avoir 2 ans, oui. Enfin, les vraies photos sont venues beaucoup plus tard. Bon, moi, je l'ai théâtralisée parce que c'était voilà, moi, quoi. Ma vie, mon passé, le cirque, la scène, le théâtre, ma mère, le trapèze. Voilà, donc Eva était une induction naturelle de mon travail. Elle était la favorite parce que, évidemment, elle était quelqu'un que j'aimais et qu'un enfant a beaucoup plus de charisme, de charme, de surprise et d'inédit que n'importe quelle autre personne qui a déjà grandi. L'enfance d'Eva Ionesco ressemble désormais à une litanie de gestes répétés à l'infini. Habillage, déshabillage, maquillage. De ses 4 ans à ses 12 ans, une fois par semaine, de 19h30 jusqu'à 1h du matin, elle prend la pose pour sa mère. Cela commence avec des fleurs, une couronne sur la tête, un sceptre. Puis Irina passe aux photos rituelles, aux masques, aux poses renversées, à l'anguille. Alors le décor se charge jusqu'à devenir bordel. Eva pose en talons aiguilles, grimée, parée de vieilles robes, de bijoux et de porte-jartelles. Puis un jour, la mère demande à sa fille de se dévêtir, entièrement, jambes écartées. « Parce que tout le monde aime te voir nue », lui répète sa mère, « parce que c'est de l'art ». À l'âge où les petites filles jouent à la poupée, Eva Ionesco est la poupée. Dans son livre, « Innocence », elle raconte ses séances, ici, à 6 ans. Et on a l'impression de revoir avec effroi la scène de son film « My Little Princess » version trash. Je me suis allongée sur le lit. Elle s'est accroupie pour défroisser les dentelles autour de mon corps. Elle a farfouillé dans un sac en plastique. Elle a sorti une tête de mort qu'elle m'a donnée. Je l'ai approchée de mon visage pour la regarder bien en face. Pas mal. Écarte un peu les jambes. Pas trop. Joli le popo. Plus joli encore. Je me suis cambrée le plus possible. Imagine que c'est ton fiancé et fais comme si tu voyais les enfers. J'ai fait, les yeux révulsés en l'air, et j'ai glissé une jambe sur l'autre. Ça va comme ça ? Ou tu veux que j'ouvre plus les jambes ? Ouvre complètement. J'ai relevé complètement la cuisse. Je voyais mon pubis nu. Je me suis inspectée dans les miroirs et elle s'y regardait après moi avec une moue d'enfant. Elle n'arrêtait pas de me photographier. J'ai volé des crucifix dans le cimetière. Si je me fais piquer, c'est grave, tu crois ? Je ne savais pas quoi répondre. Elle s'est approchée de moi encore un peu plus. Je l'ai regardée à travers l'objectif avec tout l'amour possible. L'amour avec lequel elle aurait voulu que je la voie. Après le plaisir enfantin d'être déguisée, regardée et même de s'exhiber, Eva comprend très vite que tout cela n'est pas anormal. Mais surtout, il ne faut rien dire à mamie qui ferme les yeux et continue de prier. Mais lorsque face à l'objectif dévorant, Eva proteste et résiste comme elle peut, Irina, qui ne fut d'ailleurs jamais appelée maman, joue le chantage affectif et matériel. En échange de sa soumission, elle lui offre des vêtements incroyables, glanés chez Biba, le grand magasin londonien. Dans la famille Ionesco, on n'a pas d'argent pour manger. Mais pour s'habiller, oui, toujours. Habiller sa fille pour mieux la déshabiller, c'est finalement ça qui va finir par payer. Le 2 avril 1974, à la galerie Nikon de Paris, les photographies nues d'Eva, alors âgée de 8 ans, sont exposées publiquement pour la première fois. Et c'est le début du succès pour Irina Ionesco. Les clichés de sa fille sont publiés dans des magazines prestigieux, exposé à l'international et loué par les plus grands, de l'écrivain surréaliste Henri Pierre de Mandiargues jusqu'à Alain Robbe-Grillet. Et le rituel photographique continue, souvent pictoraliste, mais parfois brutalement pornographique, et donc pédophile, avec des bondages, des phallus, de la nudité crue, sans décorum, sans projection artistique. Et puis à l'été 76, c'est un dernier rempart qui tombe. Irina Ionesco vend le corps de sa petite fille de 10 ans pour jouer dans deux films X, Spermulla et La Maladolescenza. Interdit en France, mais numéro 1 au box-office italien dans sa première semaine d'exploitation. Quelques mois plus tard, en octobre 76, Eva s'affiche dans l'édition italienne de Playboy et devient, à 11 ans, le plus jeune modèle nu jamais référencé du célèbre magazine. Pendant ce temps, un peu partout dans le monde, les images vaporeuses de David Hamilton, autre pourvoyeur de nus enfantins, l'érotisme soft, abreuve agenda et salle de bain. Mais comment tout cela fut-il possible, toléré, voire célébré? C'était l'époque, oserions-nous répondre. Née en 1965, Eva Ionesco grandit dans le sillage de mai 68, où se développe un discours qui appelle à la révolution sexuelle. Certains souhaitent remettre en cause tous les cadres moraux qui régissent la société. On parle alors de libérer la sexualité des enfants. Dans ce contexte, quelques-uns profitent de l'occasion pour afficher leurs préférences pédophiles. Comme l'écrivain Gabriel Matzneff, auteur du livre « Les moins de 16 ans », pamphlet qui exalte son amour pour les tout jeunes adolescents. Le 12 septembre 1975, il est l'invité du plateau d'Apostrophe. Je voudrais dire deux choses. La première, je ne crois pas avoir écrit un livre de cynisme, mais un livre de tendresse. Et deuxièmement, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'autres façons de pourrir un gosse que de coucher avec. Mais je sais je vous assure. Le discours pédophile s'inscrit ainsi dans une perspective révolutionnaire. Oui, défendue par une partie de la gauche française.

C'est ici que se situe aujourd'hui l'un des temples les plus en vogue de la danse qui voit chaque soir s'éclater en mesure des centaines de couples de tous âges et de toutes conditions. C'est cyclique et bien connu. Si les lieux à la mode changent, la danse est éternelle. Mais comme il n'y a pas de succès sans raison, nous avons voulu savoir pourquoi on venait célébrer Terpsichore ici plutôt que là. La réponse, elle est là sous vos yeux. Ici, c'est le Palace, bien sûr. Discothèque qui, en octobre 78, date de l'archive que vous venez d'entendre, fête ses 9 mois d'existence. Oh, c'est largement assez pour devenir un lieu incontournable de nuit parisienne sur fond de musique disco. Devant les portes de ce théâtre unique, se croisent et se mêlent le show business et les punks, le monde gay et les top modèles, les jeunes et les moins jeunes. Parmi eux, Eva Ionesco, 12 ans, princesse de la nuit, déjà entrée dans la légende du Palace. Avec sa gouaille de parigote et ses robes impossibles, la baby star foule le dance floor tous les week-ends et le mercredi soir sans jamais payer. Elle y rencontre une nouvelle famille, sa bande, parmi lesquels les futurs créateurs Christian Louboutin et Vincent Daré, qui d'ailleurs se souvient de ses années ardentes. Les photos de sa mère, scandalisées alors, mais pas dans les milieux des intellectuels et des artistes. Au Palace, nous étions prétentieux, arrogants. Tout le monde nous détestait. Nous, on voulait vivre comme dans un film. Dans ce film de fric et de frime, Eva joue le premier rôle. En 78, elle fait la une du cultissime magazine Façade, photo prise par le couple Pierre et Gilles. Couronnée d'un diadème, Eva jette un verre de champagne à la tête de Salvador Dali, très chic. À l'intérieur, la petite fille de 12 ans répond aux questions d'un journaliste du style « Qu'est-ce qui vous intéresse le plus à l'école, Eva ?» Oh, l'école. Je me suis fait virer de 3 collèges ces derniers mois à cause de mon habillement. Et puis absentéisme. Ma mère a fait des photos érotiques de moi. Ça a déplu à tout le monde. Les élèves étaient complètement insurgés. On me montrait du doigt quand j'entrais dans la classe. Cela dit, je voudrais bien aller jusqu'au bac. Parce qu'on ne peut pas montrer son cul toute sa vie. Tout au long de cette interview, Eva étonne par sa force de caractère, son franc-parler, sa maturité hors norme, mais aussi par la détresse sourde qui se lie entre les lignes. Derrière le lustre des papiers glacés, Eva se fracasse dans les brumes de l'alcool, des médicaments et de l'héroïne qu'elle commence à s'injecter depuis la classe de 6e. Elle sait désormais que son père est mort, sa mère attendra 2 ans pour le lui dire, et puis mamie, 84 ans, n'a plus que quelques mois à vivre. Alors, Eva perd pied, échappe de peu à la prison, dernière case de ce jeu de loi. « J'ai eu des nuits très violentes, dit-elle, solitaires et violentes. J'ai voulu mourir plein de fois. Il y a plein de choses que j'ai faites et que je regrette. Par exemple, tiens, me couper les veines, me mettre la tête dans le four un soir de Noël où j'étais toute seule. » Dans le courant de l'année 79, la DAS finit par s'alarmer et retire à Irina la garde de sa fille unique. Placée de centre de redressement en hôpital psychiatrique, Eva parvient à se débarrasser de la drogue, mais pas tout à fait de sa mère, qui continue de vendre les photos érotiques d'elle, enfant. Invitée dans l'émission Chic Show, diffusée sur RFI en 1990, la photographe, alors âgée de 60 ans, répond aux attaques du journaliste. En résumé, l'époque a changé, mais pas elle. J'ai fait ces photos par amour. D'ailleurs, la plupart de ces photos sont excessivement belles. Et mondialement, ce sont les photos que l'on convoite, parce que ce sont peut-être des photos avec des éléments, comme vous dites, qui pourraient évoquer la parure d'une prostituée, mais je me suis servi d'Eva comme d'une sorte d'inconscient collectif. D'ailleurs, elle est devenue actrice sans doute à cause de ça. À cause de toute une initiation. C'était une recherche passionnelle de quelque chose de plastique, de beau, de merveilleux. C'était une fée, c'était, oui, un rêve, je veux dire. J'ai fait ça avec beaucoup de pureté et beaucoup de moi-même. Pour Eva, à présent, il s'agit de s'extirper de la nuit, trouver le billet pour rejoindre la communauté des vivants. D'abord, elle se détache de sa bande du Palace, traîne dans le théâtre, les cinémas, les bibliothèques. Et c'est finalement du côté de Nanterre qu'elle trouve une nouvelle famille, encore une. En 1987, à 22 ans, elle intègre l'école des Amandiers, dirigée par le metteur en scène Patrice Chéreau. De modèle, Eva Ionesco devient actrice, puis tourne avec Jacques Doyon, Jean-Philippe Toussaint ou Pascal Bonitzer. mais les terreurs nocturnes ne la quittent jamais. Mais comment arrive-t-on à l'âge adulte? Pour Eva, il lui faudra devenir mère à son tour. En 1995, à 30 ans, elle donne naissance à son fils unique, Lucas. Soulagée, dit-elle, d'en finir avec cette filiation féminine. Et pour ne plus subir son passé, elle décide de se lancer dans une procédure judiciaire contre sa mère, afin de récupérer un droit de regard sur ses photos licencieuses. Mais Eva perd son action, au motif que ses clichés ont déjà été vus partout et que de plus, les faits sont prescrits. On m'a dit qu'il aurait fallu que je me réveille à 22 ans, explique Eva. Il n'empêche que lorsque je suis allé à la Bibliothèque nationale pour vérifier l'existence de photos de moi enfant, j'ai cru que la bonne femme allait me gifler en ouvrant le carton. Et oui, elle m'a prise pour une pédophile. Après sa visite, les photos incriminées sont envoyées en enfer. C'est ainsi que l'on désigne les bas-fonds de la BNF. Parce qu'il est impossible d'échapper à son enfance et qu'aussi bien la justice que le monde artistique lui dénie la souffrance, l'idée de répondre aux images par d'autres images prend forme. En 2001, Eva se lance donc dans l'écriture du scénario de My Little Princess, sorti 10 ans plus tard avec le succès que l'on connaît. Pourtant, les sceptiques étaient nombreux et on ne cesse de lui répéter que quand même, ses photos sont très belles, que sa mère était une pionnière. Mais Eva s'accroche. Au cinéma, comme dans le prétoire. Alors les procès s'enchaînent, mère et fille ne se parlent plus que par avocat interposé, jusqu'à une première condamnation le 17 décembre 2012. Où commence et où surtout se termine la liberté de création? La photographe Irina Ionesco a été condamnée aujourd'hui par le tribunal de Paris à verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte au droit, à l'image et à la vie privée à sa fille Eva. Eva photographiée par sa mère pendant son enfance. Photo sulfureuse selon cette dernière. C'est un jugement mitigé en quelque sorte. Eva Ionesco demandait 20 fois plus et puis si le tribunal a également ordonné la restitution de certains négatifs, il a rejeté d'autres demande de la fille qui voulait que la mère ne puisse plus exploiter les photos litigieuses. Eva fait donc appel. Et 2 ans et demi plus tard, le 27 mai 2015, la Cour d'appel de Paris interdit à Irina Ionesco l'exploitation des photos d'Eva, jugées dégradantes, peu importe leur qualité artistique. Le montant des dommages et intérêts, lui, est relevé à 70 000 euros. C'est une première victoire pour Eva, qui a presque 50 ans, a rencontré par ailleurs l'amour de sa vie. Simon Liberati, ancien du Palace, lui aussi, écrivain atypique, dandy mondain, comme on n'en fait plus. Eva et Simon ne se quittent plus et se marient au bout de 3 mois, amants écorchés, fusionnels. Elle devient son obsession, sa matière littéraire. Alors il lui écrit un livre, un éloge plutôt, sobrement intitulé « Eva ». Il doit sortir en septembre 2015. Tout le petit monde germanoprata en parle déjà. Mais Irina Ionesco n'a pas dit son dernier mot. Comme pour se venger de sa fille et des procès perdus, elle décide de poursuivre en justice son gendre et les éditions Stock pour atteinte à la vie privée, un comble. La belle-mère Macrel demande ainsi la suppression de 69 lignes la concernant. 69 lignes où l'écrivain évoque notamment la filiation incestueuse d'Irina Ionesco, son hygiène de vie douteuse et sa consommation quotidienne de marijuana. Une vie pas si privée que ça en réalité, puisque la photographe dévoilait déjà son histoire dans son autobiographie « L'œil de la poupée » paru en 2004. Le tribunal de grande instance de Paris ne s'y est pas trompé. Le 7 août 2015, Irina Ionesco est déboutée et Eva, le livre, sort en librairie dans la foulée. Un livre d'une beauté folle. Cherchant à comprendre ce qui unissait la mère et la fille dans ce trouble jeu de regard et de miroir, Simon Liberati s'interroge naturellement sur la relation qu'il entretient, à son tour, avec ce modèle, Eva, tantôt femme de sa vie, tantôt œuvre et personnage. « On peut la recouvrir de fétiches, écrit-il. Oh oui, la masquer, la démantibuler sous l'hérésie, les mantilles, les masques, la corne et les plumes, elle demeure inexplicable. » Obscur comme l'œil affolé qui perce les meilleures compositions d'Arsimboldo ou de Cindy Sherman. Oui, Eva Ionesco a eu 1000 vies, mais toujours le même rôle, celui de la muse. « c'est une petite poupée qui fait pipi caca. Une petite poupée qui dit papa. Elle a des petites sockets blanches, une culotte à trou-trou, une petite chaînette autour du cou. Elle a des petites sockets blanches et une culotte à trou-trou. Quand elle remue du croupion, ça me rend coucou. C'est une petite poupée qui fait pipi caca. Et une petite poupée qui dit papa. Faut la rattraper par la manche, sinon elle part en arrière. Elle bascule en gardant les yeux grands ouverts. Faut la rattraper par la manche, sinon elle part en arrière. Elle se couche sur le dos, elle patte en l'air. C'est une petite poupée qui fait pipi caca. Une petite poupée qui dit papa. Je lui réponds d'une voix blanche, je t'aime, petit mannequin. Avant de la balancer sur les coussins, je lui réponds d'une voix blanche, je t'aime, petit mannequin. Et je désarticule le pauvre pantin. C'est une petite poupée qui fait. Une petite poupée qui dit papa. Mais je fais gaffe avec mes hanches de ne pas trop la bousculer. Il est si facile de la faire pleurer. Pour la bousculer, car j'ai bien peur de déchirer ma poupée. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire d'Eva Ionesco avec notre invité, le sociologue Michel Fils. Bonjour. Bonjour. Ex-chercheur au CNRS, vous êtes spécialiste des questions de l'adolescence, de la jeunesse, de la famille. Vous êtes aussi l'auteur d'une trentaine d'ouvrages sur ces sujets. Précisons que votre dernier livre, est vraiment tout récent, hein, s'appelle L'école à la rabasse, est sorti le 21 août dernier aux éditions L'Archipel, il y a donc moins d'une semaine. Alors si nous avons souhaité vous inviter, ce n'est pas tant pour votre lien avec l'histoire particulière d'Eva Ionesco, il n'y en a pas, mais pour nous permettre d'élargir le débat sur ce qu'on appelle, parfois à tort je crois, l'hypersexualisation des petites filles. Bien, avant de commencer, je vous pose la question, donc connaissiez-vous cette histoire d'Eva Ionesco? Alors je la connaissais dans les grandes lignes. Mais c'est vrai, vous avez retracé à travers cette histoire celle des mentalités françaises, hein, des années 60 à aujourd'hui, avec des comportements qui, évidemment, seraient aujourd'hui inacceptables. Vous avez rappelé, par exemple, cette exposition photo avec des petites filles dénudées. Ce serait impensable aujourd'hui. Impensable aujourd'hui, ça tomberait immédiatement sous le coup de la loi. Alors, c'est vrai que dans cette histoire, quand même, c'est assez surprenant, même de la part d'Eva, il y a des mots qui ne sont jamais prononcés. Moi, il y en a un qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est perversité, tout simplement. Manipulation de la part de la mère. Alors, je crois qu'au-delà de l'histoire, il y a quand même deux grandes questions qui sont posées et que vous avez quand même posées à travers vos lignes. C'est d'une part la nature de l'art, les limites de l'art, jusqu'où l'art peut aller sans enfreindre évidemment la liberté d'expression que l'on reconnaît. Bon, ça c'est effectivement le premier point. Et le deuxième point, alors qui intéresse plus le sociologue de la famille que je suis, c'est quand même les pouvoirs des parents sur les enfants. Et on voit bien. Et le fait aussi, pardon de vous couper, le fait aussi que quand il y a abus au sein de la famille, la société publique, l'espace public, dit on ne va pas se mêler des affaires privées, ce qui est un problème aussi. Voilà, alors ça reste quand même encore la situation aujourd'hui, oui. Alors qu'il faut rappeler que la plupart des violences commises par les enfants, celles qui choquent beaucoup l'opinion publique, sont commises dans le milieu familial, et souvent par les parents eux-mêmes. Les premiers pédophiles, qu'on appelle d'ailleurs curieusement non pas des pédophiles, mais des individus incestueux, sont des familiers des enfants. Voilà. Et je pense qu'avec avec cette histoire, on a l'exemple d'une mère qui s'en défend-elle et quand même dans une logique incestueuse vis-à-vis de son enfant, et donc qui tomberait aujourd'hui, on voit bien d'ailleurs avec les dernières conclusions judiciaires, plus on avance dans le temps et plus quand même la loi apparaît, au-delà de la morale et du rôle de l'art. Bon, parce que l'art, finalement, on le voit bien dans cette affaire, est à la fois un prétexte et une excuse pour se livrer à des comportements qui sont pour le moins immoraux. Vous avez rappelé David Hamilton. Eh oui. Bon, il est évident qu'aujourd'hui, ce serait sans doute aussi beaucoup plus compliqué pour lui de faire ce qu'il faisait encore dans les années 70. Donc une évolution positive, on est bien d'accord. Comment ? Une évolution positive. Oui, bah une évolution positive pour les droits de la personne. Voilà. Parce que il y a quand même des choses, mais c'est vrai que c'est un jeu un peu lui-même pervers, entre l'auteur et la victime, on va jusqu'à, moi j'ai senti quand même quelque part, alors j'ai peut-être employé un mot qui va choquer, mais complicité, ou admission, complicité, admission égale soumission aussi. Oui. Donc elle est victime, elle est entièrement victime, elle est en position de soumission. Alors, si elle en... oui, mais avec la question, bon, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, je pense que finalement, la frontière de ce qui est normal ou de ce qui ne l'est pas, hier comme aujourd'hui, c'est la contrainte ou la liberté. Dès lors qu'un enfant est contrainte, on est dans la violation de son intégrité. Voilà. Et ce qui est assez frappant dans les mots employés par Eva, elle parle de violation de l'image. Voilà. Comme si elle était dans une posture esthétique, artistique. Mais non, c'est une violation de son intégrité. Même s'il n'y a pas effectivement des agressions physiques comme dans un certain nombre d'autres affaires, mais on a porté atteinte à son intégrité, à sa dignité. On lui a volé son enfance. Alors ça, elle le dit très très bien. Donc ce n'est pas qu'une affaire d'image. Bien sûr. Alors, l'époque a changé, on l'a dit. Une polémique partie des États-Unis touche la France, qui découvre un nouveau terme, hypersexualisation. Alors, une mission est alors confiée à la sénatrice UMP Chantal Jouanneau par le ministère des Solidarités, qui rend son rapport en mars 2012. Le rapport est intitulé « Contre l'hypersexualisation, un nouveau combat pour l'égalité ». Qu'est-ce que vous pensez, que pensez-vous de ce terme d'abord, hypersexualisation ? Bon, d'abord, j'avais dit le plus grand mal de ce rapport. C'est pour ça que je pose la question. À son époque. Alors d'abord, il faut dire que tout a commencé, au niveau du langage médiatique, par le terme Lolita. Oui. Il y a 15 ans, effectivement, on parlait de l'affaire des Lolitas, qui ont donc été rebaptisées, cette affaire a été rebaptisée, l'affaire de l'hypersexualisation des petites filles. Alors, pour qu'il y ait pensée sexuelle, bon, il faut qu'il y ait conscience que ce que l'on dit ou ce que l'on fait a une connotation sexuelle. Ce n'est pas le cas chez une petite fille de 4 ans ou de 5 ans, comme on a pu le voir alors, beaucoup plus facilement aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on a vraiment mis en scène, d'une manière érotico-pornographique, des toutes petites filles qui ont donné lieu à des concours de minimis, voilà, avec l'accord des parents. Bon, à une exception près, on n'est jamais tombé dans ce travers en France. Alors, je crois que le terme exact, c'est hyperféminisation. Voilà. Il peut y avoir... Plutôt que hypersexualisation, on va voilà, retenir ça. Voilà, pas hypersexualisation. La sexualité n'a rien à faire dès lors qu'on parle d'enfants, j'allais presque dire en bas âge, enfin pour le distinguer effectivement, d'adolescentes qui auraient 14, 15 ou 16 ans. Alors, ça pose le problème du rapport à la féminité. Voilà. Alors, ce que, effectivement, la rapportrice n'avait pas bien compris, c'est la mentalité de ces nouvelles adolescentes dont j'avais parlé aussi dans un livre, c'est qu'elles ne sont pas dans le déni de la féminité. Alors, évidemment, ce qui choque beaucoup les féministes, j'allais dire de la grande époque, années 60, années 70, c'est-à-dire que les petites filles et les adolescentes aujourd'hui brandissent leur féminité comme n'étant pas une infériorité. Voilà. Et elles vous disent immédiatement, oui, nous sommes féminines, mais attention, nous sommes l'égal des garçons en tout point. Donc c'est pas parce qu'effectivement nous nous revêtons des habits de la féminité. Bon, ce qui n'était pas le cas dans les années 70, on était plutôt dans l'uniforme, dans l'unisexe, comme on disait à l'époque. Voilà. Mais alors ça choque effectivement, parce qu'effectivement, que ce soit d'ailleurs les petites ou les grandes, elles réaffirment le droit à la féminité. Hein. Alors ça c'est curieux, parce que est-ce qu'on va empêcher une animatrice de télévision d'arriver en jupe et avec des chaussures à talons aiguilles? Est-ce qu'elle est anti-féministe parce qu'elle se comporte de cette manière? Je ne crois pas, je ne crois pas. Elle affirme une féminité tout en reconnaissant, encore une fois, parce qu'on est en 2019, une égalité avec les hommes. Michel Fils, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Billie Eilish, qui est une toute jeune artiste de 18 ans, je crois, qui elle n'est manipulée par personne, qui est probablement parmi ceux qu'on fait mieux, sinon mieux dans les nouveautés musicales. My Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Left to say. Rachel Fils, nous continuons à parler de ce sujet autour de l'histoire d'Eva et Ionesco. Alors, on a rappelé pendant le récit le discours. Hein. On ne parle pas des gens, on parle du discours des 68 heures et post-68 heures concernant les jeunes, les ados. Il faut les éveiller à la sexualité. Alors ça, c'était quand même le masque pédophile sous lequel on pouvait évoluer. Un discours terrible. Oui. Alors, d'abord, quand même, il faut quand même remettre les choses dans leur vérité scientifique. Parce qu'on a longtemps dénué aux enfants toute activité sexuelle. Il n'y avait pas de sexualité infantile. Alors, on n'a pas attendu mai 68 pour découvrir une sexualité infantile. Bien sûr. Sigmund Freud. Voilà. Sigmund Freud, bon, qui a bien vu les dangers qu'il y avait à reconnaître une sexualité infantile. Parce que si elle existe, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, jusqu'où on va? Comment est-ce qu'on porte? Et ça donne effectivement, comme vous le disiez, ce discours un peu trouble, mais sans l'être vraiment, des années 60, 70, hein, où on reconnaissait presque le droit des adultes d'avoir une sexualité avec les enfants. Bon, c'était le discours de l'époque, suivi ou non des faits, mais on était dans cette mentalité, qui était une mentalité aussi solidement installée que 10 ans après, la libération sexuelle, qui faisait que les relations hommes-femmes ne pouvaient que commencer par une libération, par une, j'irais, une l'acte pratique sexuelle immédiate. Immédiat. En tout cas, c'est la brèche. Il fallait coucher. Et cette mentalité, c'est quand même bien la brèche dans laquelle s'est mise Irina Ionesco par rapport à sa fille. Ah oui, oui, elle emploie des termes qui montrent bien que elle est dans cette mentalité. Elle parle de théâtralisation. Ouais. Hein, et puis elle rappelle que à cette époque, c'était comme ça. Voilà. Mais ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'elle n'est pas quand même grandi. Et ne se rendant pas compte qu'on est en 2019, voilà, et qu'elle pourrait peut-être avoir quelques repentir sur un certain nombre de ses conduites, hein, parce que bon, elle est manifestement dans une sorte de fascination de son enfant. Donc moi, je reviens à l'appellation me paraît être l'appellation pédophilique. Hein, voilà, c'est, je crois que c'est ainsi que la loi qualifierait honnêtement les choses aujourd'hui si elle devait se pencher sur ce dossier. En tout cas, l'époque a changé. Irina n'a pas changé, elle. Alors, je rappelle que votre dernier livre, Michel Fils, s'appelle « L'école à la ramasse » aux éditions L'Archipel. Et c'est évidemment en rapport avec le sujet d'aujourd'hui. D'abord, quel est le propos du livre ? Bah, le propos, c'est de faire un diagnostic sans complaisance de la réalité scolaire. Bon, cette réalité est épouvantable. J'ai bien employé le terme faillite de l'éducation nationale et me suis gardé d'employer le terme crise parce qu'une crise est passagère, on en sort, il suffit de trouver les bons remèdes. Là, on est en faillite, hein, à tous les étages, dans tous les compartiments. Hein. On a des chefs d'établissement qui sont des chefs d'entreprise mais sans avoir les pouvoirs des chefs d'entreprise. On a des enseignants qui ne savent plus très très bien quel est leur rôle, sinon peut-être de faire le programme et d'amener le plus possible de leurs élèves aux examens. On a des élèves qui sont obsédés par le bac. Moi, je suis littéralement, enfin moi qui suis quand même de la génération 68, je suis quand même fasciné par ce conservatisme des élèves d'aujourd'hui. Comment peut-on rejeter une réforme qui introduit 40% de contrôle continu au bac ? Faut qu'on m'explique en quoi le contrôle continu est un mode d'évaluation moins objectif que le bac. Hein, il faut arrêter de se voiler la face. On sait très très bien que si vous êtes bachelier d'un lycée professionnel à Voix-en-Velin, c'est pas tout à fait la même chose que si vous êtes bachelier section scientifique à Henri IV ou Louis le Grand. Donc il y a déjà une discrimination. On n'est pas égaux devant le bac. Alors que je crois qu'on pourrait l'être devant le contrôle continu, à condition de se donner les moyens d'avoir une évaluation objective, évidemment. Hein, on peut imaginer, pour employer un langage judiciaire, de dépayser les copies, les faire corriger par un autre établissement, faire une autre notation, de manière à ce que ce soit pas ce que craignent les élèves à la tête du client, bien évidemment. Il s'agit d'objectiver un mode d'évaluation et de sortir un peu de la seule note. Voilà, alors la pénurie, c'est aussi la pénurie des personnels enseignants, hein, des médecins en nombre insuffisant, des infirmières qu'on cherche parfois dans les établissements, ainsi que les assistants. Et puis une école dont on feint de croire qu'on sait à quoi elle sert, moi je regrette, je ne sais plus à quoi sert l'école aujourd'hui. Donc, quand M. Blanquer présente cette belle réforme, j'ai envie de lui dire, il ne suffit pas de commencer par le primaire, ce qui est effectivement l'idée intelligente de la réforme, parce qu'il y a d'autres époques où on a commencé par le collège ou par le lycée. Mais il faut quand même se demander, à quoi sert l'école ? Qu'est-ce qu'on veut faire de l'école ? Voilà. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Les pédagogies, les méthodes, voilà. Et puis, encore une fois, cette réforme ne résoudra pas le problème des inégalités. C'est un véritable appel à une révolution scolaire que tout à fait. Vous lancez dans l'école à la ramasse, l'archipel, Michel Fils. Merci infiniment. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Eva Ionesco, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission et, si le cœur vous en dit, vos commentaires. À la technique aujourd'hui, il y avait Michel Bézikian.